Même mon Dieu Pam qui pourra le venir délivrer m'là. C'est lui-même qui pourra le venir délivrer. Délivrer tout l'autre monde qui est en difficulté. Famille ou en prison pendant la guérison. Délivrance ou pas loin pour venir. Ou senti ou découragé ou persécuté. Délivrance ou pas loin pour venir. Problème tout côté ou passé, tout le monde humilié. Presque perdu la foi, ou même sans espoir. Délivrance ou pas loin pour venir. Mon Dieu, non. Mon Dieu, ma chérie, qui va délivrer. Délivrer. Mon Dieu, ma chérie, qui va délivrer. Délivrer. Seul monde pour plein un bal. C'est bon Dieu parole. Plein. Mélodie pour Seigneur. Bon Dieu content. Ouvert deux bois par Seigneur. Présentez problème yo. Justice pour le fini. Ou innocent. La misère pour le fini. Malheureux. Pas de problème, docteur. Maladio. Maladio. Pour le pile respect, chrétien yo, délivrance Seigneur, pour ça qui pi mal yo, surtout pour ça qui sans défense yo.